La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 16e, de Noé à David. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 26. Dieu promet à Abraham, déjà vieux, un fils de sa femme Sarah, qui était stérile. Il lui annonce qu'il sera le père des nations, et confirme sa promesse par la circoncision. Lorsque dans la suite Ismaël fut né d'Agar, Abraham pouvait croire que cette naissance accomplissait ce qui lui avait été promis dans le temps où, pour le faire renoncer au dessein qu'il avait d'adopter son serviteur, Dieu lui dit « Celui-ci ne sera pas votre héritier, mais un autre qui sortira de vous. » Genèse 15, 4. De peur donc qu'il ne crût que cette promesse fût accomplie dans le fils de sa servante, comme Abraham était déjà âgé de 99 ans, Dieu lui apparut et lui dit « Je suis Dieu, travaillez à me plaire, et menez une vie sans reproche, et je ferai alliance avec vous, et je vous comblerai de tous les biens. » Alors Abraham se prosterna par terre, et Dieu ajouta « C'est moi, je ferai alliance avec vous, et vous serez le père d'une grande multitude de nations. Vous ne vous appellerez plus Abraham, mais Abraham, parce que je vous ai fait le père de plusieurs nations. Je vous rendrai extrêmement puissant, et vous établirai sur un grand nombre de peuples et des rois sortiront de vous. Je ferai alliance avec vous, et après vous avec vos descendants, et cette alliance sera éternelle, afin que je sois votre Dieu et celui de toute votre postérité. Je donnerai à vous et à vos descendants cette terre où vous êtes maintenant étrangers, toute la terre de Canaan, pour la posséder à jamais, et je serai leur Dieu. » Dieu dit encore à Abraham, « Pour vous, vous aurez soin de garder mon alliance, et votre postérité après vous. Or, voici l'alliance que je désire que vous et vos enfants observiez soigneusement. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Cette circoncision se fera en la chair de votre prépuce, et sera la marque de l'alliance qui est entre vous et moi. Tous les enfants mâles qui naîtront de vous seront circoncis au bout de 8 jours. Vous circoncirez aussi les esclaves, tant ceux qui naîtront chez vous que les autres que vous achèterez des étrangers. Et cette circoncision sera une marque de l'alliance éternelle que j'ai contractée avec vous. Tout mâle qui ne la recevra pas le 8e jour sera exterminé comme un infracteur de mon alliance. » Dieu dit encore à Abraham, « Votre femme ne s'appellera plus Sarah, mais Sarah, Sarah avec 2 R. Je la bénirai et vous donnerai dès l'un fils que je bénirai aussi, et qui sera père de plusieurs nations, et des rois sortiront de lui. » Là-dessus, Abraham se prosterna en terre, en souriant et disant en lui-même, « J'aurai donc un fils à 100 ans, et Sarah accouchera à 90. Conservez seulement en vie, dit-il à Dieu, mon fils Ismaël. » Et Dieu lui dit, « Oui, votre femme Sarah vous donnera un fils que vous nommerez Isaac. Je ferai une alliance éternelle avec lui, et je serai son Dieu et le Dieu de sa postérité. Pour Ismaël, j'ai exaucé votre prière, je l'ai béni et je le rendrai extrêmement puissant. Il sera le père de 12 nations, et je l'établirai chef d'un grand peuple. Mais je contracterai alliance avec Isaac, dont votre femme Sarah accouchera l'année qui va venir. » Genèse 17, 1 à 21. On voit ici des promesses plus expresses de la vocation des gentils en Isaac, en ce fils de promission, qui est un fruit de la grâce et non de la nature, puisqu'il est promis à une femme vieille et stérile. Bien que Dieu concourt aussi aux productions qui se font selon les lois ordinaires de la nature, toutefois, Lorsque sa main puissante en répare les défaillances, sa grâce paraît avec beaucoup plus d'éclat. Et parce que cette vocation des gentils ne devait pas tant arriver par la génération des enfants que par leur régénération, Dieu commanda la circoncision, lorsqu'il promit le fils de Sarah. S'il veut que tous soient circoncis, tant libres qu'esclaves, c'est afin de signifier que cette grâce est pour tout le monde. Que figure, en effet, la circoncision, sinon la nature renouvelée et dépouillée de sa vieillesse? Le huitième jour représente-t-il autre chose que Jésus-Christ, qui ressuscita à la fin de la semaine, c'est-à-dire après le jour du sabbat? Voyez le traité de saint Augustin, du péché originel, numéro 36. Les noms mêmes du Père et de la Mère sont changés, tout respire la nouveauté, et l'Ancien Testament fait pressentir le nouveau. Qu'est-ce, en effet, que le Nouveau Testament, sinon la manifestation de l'Ancien, et qu'est-ce que celui-ci, sinon la figure de l'autre? Le rire d'Abraham est un témoignage de joie et non de défiance. Ces mots qu'il dit en son cœur, « J'aurai donc un fils à 100 ans, et Sarah accouchera à 90 », ne sont pas non plus d'un homme qui doute, mais d'un homme qui admire. Quant à ces paroles de Dieu à Abraham, « Je donnerai à vous et à vos descendants cette terre où vous êtes maintenant étrangers, toute cette terre de Canaan, pour la posséder éternellement. » Si l'on demande comment cela s'est accompli ou doit s'accomplir, attendu que la possession d'une chose, quelque longue qu'elle soit, ne peut pas durer toujours, il faut dire qu'éternel se prend en deux façons, ou pour une durée infinie, ou pour celle qui est bornée par la fin du monde. Note. Saint Augustin donne le nom de Sarah à Sarai tout au long de cet ouvrage. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah, princesse, Genèse 17, 15, dans les versions bibliques récentes. Rappelons que saint Augustin écrit la cité de Dieu de l'an 413 à 426. Chapitre 27. De la réprobation portée contre tout enfant mâle qui n'avait point été circoncis le huitième jour, comme ayant violé l'alliance de Dieu. On peut encore demander comment il faut interpréter ceci. Tout enfant mâle qui ne sera point circoncis le huitième jour sera exterminé comme un fracteur de mon alliance. Ce n'est point l'enfant qui est coupable, puisque ce n'est pas lui qui a violé l'alliance de Dieu, mais bien les parents qui n'ont pas eu soin de le circoncire. On doit répondre à cela que les enfants même ont violé l'alliance de Dieu, non pas en leur propre personne, mais en la personne de celui par qui tous les hommes ont péché. Romains 5, 12. Aussi bien, il y a d'autres alliances que celles de l'Ancien et du Nouveau Testament. La première alliance que Dieu fit avec l'homme est celle-ci. Du jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Genèse 2, 17. Ce qui a donné lieu à cette parole de l'Ecclésiastique. Tout homme vieillira comme un vêtement. Telle est la reportée dès l'origine du siècle. Vous mourrez de mort. Ecclésiaste 14, 18. En effet, comment cette parole du prophète, j'ai regardé tous les pécheurs du monde comme des prévaricateurs, psaume 118, 119, pourrait-elle s'accorder avec cet autre de saint Paul, où, il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication, Romains 4, 15, si tous ceux qui pêchent n'étaient pas coupables de la violation de quelque loi? C'est pourquoi, si les enfants même, comme la foi nous l'enseigne, naissent pécheurs, non pas proprement, mais originellement, d'où résulte la nécessité du baptême pour remettre leurs péchés. Il faut croire aussi qu'ils sont prévaricateurs à l'égard de cette loi qui a été donnée dans le paradis terrestre, en sorte qu'il est également vrai de dire qu'où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication, et que tous les pécheurs du monde sont des prévaricateurs. Ainsi, comme la circoncision était le signe de la régénération, c'est avec justice que le péché originel, qui a violé la première alliance de Dieu, perdait ses enfants, si la régénération ne les sauvait. Il faut donc entendre ainsi ces paroles de l'Écriture, « Tout enfant mâle, etc. » comme si elle disait, « Quiconque ne sera point régénéré périra, parce qu'il a violé mon alliance lorsqu'il a péché en Adam avec tous les autres hommes. » Si elle avait dit, « Parce qu'il a violé cette alliance que je contracte avec vous, on ne pourrait l'entendre que de la circoncision. » Mais comme elle n'a point exprimé quelle alliance l'enfant a violée, il est permis de l'entendre de celle dont la violation peut se rapporter à lui par voie de solidarité. Si toutefois quelqu'un prétend que cela doit s'appliquer exclusivement à la circoncision, et que l'enfant qui n'a point été circoncis a violé en cela l'alliance, il faut qu'il cherche une manière raisonnable de dire qu'une personne a violé une alliance, quoique ce ne soit pas elle qui l'ait violée, mais d'autres qui l'ont violée en lui. Outre qu'il est injuste qu'un enfant, qui demeure incirconcis sans qu'il y ait de sa faute, soit réprouvé, à moins qu'on ne remonte à un péché d'origine. Chapitre 28. Du changement de nom d'Abraham et de Sarah, lesquels n'étaient point en état, celle-ci à cause de sa stérilité, tous deux à cause de leur âge, d'avoir des enfants, quand ils eurent Isaac. Lors donc qu'Abraham eut reçu de Dieu cette promesse, « Je vous ai rendu père de peuples nombreux, et je veux accroître votre puissance et vous élever sur les nations, et des rois sortiront de vous. Et je vous donnerai de Sarah un fils que je bénirai, et il sera le père de plusieurs nations, et des rois sortiront de lui. » Magnifique promesse que nous voyons maintenant accomplie en Jésus-Christ, Abraham et sa femme changèrent de nom, et l'Écriture ne les appelle plus Abraham ni Sarah, et Sarah, mais Abraham et Sarah, et sa deux Sarah. Elle rend raison de ce changement de nom à l'égard d'Abraham, car, dit le Seigneur, je vous ai établi père de plusieurs nations. Genèse 17, 5. C'est le sens du mot Abraham. Pour Abraham, qui était son premier nom, il signifie illustre père. L'Écriture ne rend point raison du changement de nom de Sarah et sa deux Sarah. Mais les traducteurs hébreux disent que Sarah, et Saera, signifie ma princesse, et Sarah, avec deux R, vertu. D'où vient cette parole de l'épître aux Hébreux? C'est aussi par la foi que Sarah reçut la vertu de concevoir. Hébreux 11, 11. Or, ils étaient tous deux fort âgés, ainsi que l'Écriture le témoigne, et Sarah, qui d'ailleurs était stérile, n'avait plus ses mois, de sorte que, n'eût-elle pas été stérile, elle eût été incapable de concevoir. Une femme, quoique âgée, si elle a encore ses mois, peut avoir des enfants, mais d'un jeune homme, et non d'un vieillard. Et de même un vieillard peut en avoir d'une jeune femme, comme Abraham, après la mort de sa femme, en eut de Sétura, parce qu'il rencontra en Renelle la fleur de la jeunesse. C'est pourquoi l'apôtre regarde comme un grand miracle, Romains 6, 19, que le corps d'Abraham étant mort, il n'est pas laissé d'engendrer. Entendez par là que son corps était impuissant pour toute femme arrivée à l'âge de Sarah, car il n'était mort qu'à cet égard, autrement c'eût été un cadavre. Il y a une autre solution de cette difficulté, On dit qu'Abraham eut des enfants de Séturah, parce que Dieu lui conserva, après la mort de Sarah, le don de fécondité qu'il avait accordé. Mais l'explication que j'ai suivie me semble meilleure, car s'il est vrai qu'à cette heure un vieillard de 100 ans soit hors d'état d'engendrer, il n'en était pas de même alors que les hommes vivaient plus longtemps. Chapitre 29. Des trois anges qui apparurent à Abraham au chêne de Mambré. Dieu apparut encore à Abraham au chêne de Mambré dans la personne de trois hommes, qui indubitablement étaient des anges, Genèse 18, 1, quoique plusieurs estiment que l'un d'eux était Jésus-Christ, qui était visible, allez en croire, avant que de s'être revêtu d'une chair. Je tombe d'accord que Dieu, qui est invisible, incorporel et immuable par sa nature, est assez puissant pour se rendre visible aux yeux des hommes, sans aucun changement en son essence, non par soi-même, mais par le ministère de quelqu'une de ses créatures. Mais s'il prétend que l'un de ces trois hommes était Jésus-Christ, parce qu'Abraham s'adressa à tous trois comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme, ainsi que le rapporte l'Écriture. Il aperçut trois hommes auprès de lui, et aussitôt il courut au devant d'eux, et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce auprès de vous, Genèse 18, 1 à 3, cette présomption n'a rien de concluant, car la même Écriture témoigne que deux de ces anges étaient déjà partis pour détruire Sodome, lorsqu'Abraham s'adressa au troisième et l'appela son Seigneur, le conjurant de ne vouloir pas confondre l'innocent avec le coupable et de pardonner à Sodome. En outre, lorsque Lot parle aux deux premiers anges, il le fait comme s'il ne parlait qu'à un seul. Après qu'il leur a dit, « Seigneur, venez, s'il vous plaît, dans la maison de votre serviteur, Genèse 19, 2, l'Écriture ajoute, « Les anges le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, parce que Dieu lui faisait grâce. » Et aussitôt qu'ils l'eurent tiré hors de la ville, ils lui dirent, « Sauvez-vous, ne regardez point derrière vous, et ne demeurez point dans toute cette contrée. Sauvez-vous dans la montagne, de peur que vous ne soyez enveloppés dans cette ruine. » Et Lot leur dit, « Je vous prie, Seigneur, puisque votre serviteur a trouvé grâce auprès de vous, etc. » Genèse 19, 16. Ensuite le Seigneur lui répond aussi au singulier, par la bouche de ces deux anges en qui il était, et lui dit, « J'ai eu pitié de vous, il est bien plus croyable qu'Abraham et Lot reconnurent le Seigneur en la personne de ses anges, et que c'est pour cela qu'ils lui adressèrent la parole. Au surplus, il prenait ses anges pour des hommes, ce qui fit qu'ils les reçurent comme tels et les traitèrent comme s'ils avaient besoin de nourriture, mais d'un autre côté, il paraissait en eux quelque chose de si extraordinaire que ceux qui exerçaient ce devoir d'hospitalité à leur égard ne pouvaient douter que Dieu ne fût présent en eux, comme il a coutume de l'être dans ses prophètes. De là vient qu'il les appelait quelquefois Seigneur au pluriel en les regardant comme les ministres de Dieu, et d'autres fois Seigneur au singulier, en considérant Dieu même qui était en eux. Or, l'Écriture témoigne que c'était des anges, et ne le témoigne pas seulement dans la Genèse, où cette histoire est rapportée, mais aussi dans l'Épître aux Hébreux, où faisant l'éloge de l'hospitalité, c'est, dit-elle, en pratiquant cette vertu que quelques-uns, sans le savoir, ont reçu chez eux des anges même. Hébreux 13, 2. Ce fut donc par ces trois hommes que Dieu, réitérant à Abraham la promesse d'un fils nommé Isaac qu'il devait avoir de Sarah, lui dit, « Il sera chef d'un grand peuple, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Genèse 18, 18. paroles qui contiennent une promesse pleine et courte du peuple d'Israël, selon la chair, et de toutes les nations, selon la foi. Chapitre 30. Destruction de Sodome, délivrance de Lot, convoitise infructueuse d'Abimélec pour Sarah. Lot étant sorti de Sodome après cette promesse, une pluie de feu tomba du ciel, Genèse 19, 24, et réduisit en cendres ces villes infâmes, où le débordement était si grand que l'amour contre nature y était aussi commun que les autres actions autorisées par les lois. Ce châtiment effroyable fut une image du jugement dernier. Voyez l'épître de Saint Jude, versets 7 et 2 Pierre 2, 6. Pourquoi, en effet, ceux qui échappèrent de cette ruine reçurent-ils des anges l'ordre de ne point regarder derrière eux, sinon parce que, si nous voulons éviter la rigueur du jugement à venir, nous ne devons pas retourner par nos désirs aux habitudes du vieil homme, dont nous nous sommes dépouillés par la grâce du baptême. Aussi la femme de Lot, ayant contrevenu à ce commandement, fut punie sur le champ, et son changement en statut de sel est un avertissement très sensible donné aux fidèles pour qu'ils aient à se garantir d'un semblable malheur. Luc 17, 32, 33. Dans la suite, Abraham, à Gérara, employa, pour préserver sa femme, le même moyen dont il s'était servi en Égypte, Genèse 20, 2, en sorte qu'Abimélec, roi de ces pays, lui rendit Sarah sans l'avoir touchée. Et comme il blâmait Abraham de son stratagème, celui-ci, tout en avouant que la crainte l'avait obligé d'en user de la sorte, ajouta, « De plus, elle est vraiment ma sœur, car elle est fille de mon père, quoiqu'elle ne le soit pas de ma mère. » Genèse 20, 12. En effet, Sarah, du côté de son père, était sœur d'Abraham et une de ses plus proches parentes, et elle était si belle que même à cet âge, elle pouvait inspirer de l'amour. Chapitre 31. De la naissance d'Isaac, dont le nom exprime la joie éprouvée par ses parents. Après cela, un fils naquit à Abraham, Genèse 21, 2. De sa femme Sarah, selon la promesse de Dieu, et il le nomma Isaac, nom qui signifie rire, car le père avait ri quand un fils lui fut promis, témoignant par là sa joie et son contentement, et la mère avait ri aussi quand la promesse lui fut réitérée par les trois anges, quoique ce rire fût mêlé de doute, comme l'ange le lui reprocha, Genèse 18, 12. Mais ce doute fut ensuite dissipé par l'ange. Voilà d'où Isaac prit son nom. Sarah montre bien que ce rire n'était pas un rire de moquerie, mais de joie, lorsqu'elle dit, à la naissance d'Isaac, « Dieu m'a fait rire, car quiconque saura ceci se réjouira avec moi. » Genèse 21, 6. Peu de temps après, la servante fut chassée de la maison avec son fils, et l'apôtre voit ici une figure des deux testaments, où Sarah représente la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la cité de Dieu. Galates 4, 26. Chapitre 32. Obéissance et foi d'Abraham éprouvée par le sacrifice de son fils. Mort de Sarah. Cependant Dieu tenta Abraham, Genèse 22, 1, en lui commandant de lui sacrifier son cher fils Isaac, afin d'éprouver son obéissance et de la faire connaître à toute la postérité. Car il ne faut pas répudier toute tentation, mais au contraire on doit se réjouir de celle qui sert d'épreuve à la vertu. En effet, l'homme, le plus souvent, ne se connaît pas lui-même sans cesse hors d'épreuve, mais s'il reconnaît en elle la main puissante de Dieu qui l'assiste, C'est alors qu'il est véritablement pieux, et qu'au lieu de s'enfler d'une vaine gloire, il est solidement affermi dans la vertu par la grâce. Abraham savait fort bien que Dieu ne se plaît point à des victimes humaines, mais quand il commande, il est question d'obéir et non de raisonner. Abraham crut donc que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils, et on doit le louer de cette foi. En effet, quand il hésitait à chasser de sa maison sa servante et son fils, sur les vives sollicitations de Sarah, Dieu lui dit, « C'est d'Isaac que sortira votre postérité. » Genèse 21, 12. Cependant il ajouta tout de suite, « Je ne laisserai pas d'établir sur une puissante nation le fils de cette servante, parce que c'est votre postérité. » Comment Dieu peut-il assurer que c'est d'Isaac que sortira la postérité d'Abraham, tandis qu'il semble en dire autant d'Ismaël? L'apôtre résout cette difficulté, quand, expliquant ses paroles, « C'est d'Isaac que sortira votre postérité », il dit, « Cela signifie que ceux qui sont enfants d'Abraham selon la chair ne sont pas pour cela enfants de Dieu. Mais qu'il n'y a de vrais enfants d'Abraham que à ceux qui sont enfants de la promesse. » Romains 9, 8. Dès lors, pour que les enfants de la promesse soient la postérité d'Abraham, il faut qu'ils sortent d'Isaac, c'est-à-dire qu'ils soient réunis en Jésus-Christ par la grâce qui les appelle. Ce saint patriarche, fortifié par la foi de cette promesse, est persuadé qu'elle devait être accomplie par celui que Dieu lui commandait d'égorger, ne douta point que Dieu ne pût lui rendre celui qu'il lui avait donné contre son espérance. Ainsi l'entend et l'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi, dit-il, qu'Abraham fit éclater son obéissance, lorsqu'il fut tenté au sujet d'Isaac, car il offrit à Dieu son fils unique, malgré toutes les promesses qui lui avaient été faites, et quoi que Dieu lui eût dit, c'est d'Isaac que sortira votre véritable postérité. Mais il pensait en lui-même que Dieu pourrait bien le ressusciter après sa mort. Et l'apôtre ajoute, voilà pourquoi Dieu l'a proposé en figure. Hébreux 11, 17 à 19. Or, quelle est cette figure, sinon celle de la victime sainte dont parle le même apôtre, quand il dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré à la mort pour nous tous, Romains 8, 32. Aussi Isaac porte à lui-même le bois du sacrifice dont il devait être la victime, comme notre Seigneur porta sa croix. Enfin, puisque Dieu empêchait Abraham de mettre la main sur Isaac, qui n'était pas destiné à mourir, que veut dire ce bélier, dont le sang symbolique accomplit le sacrifice, et qui était retenu par les cornes aux épines du buisson? Que représente-t-il, si ce n'est Jésus-Christ couronné d'épines par les Juifs avant que d'être immolé? Mais écoutons plutôt la voix de Dieu par la bouche de l'ange. Abraham, dit l'Écriture, étendit la main pour prendre son glaive et égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur lui cria du haut du ciel, « Abraham, à quoi il répondit, que, vous plaît-il? Ne mettez point la main sur votre fils, lui dit l'ange, et ne lui faites point de mal, car je connais maintenant que vous craignez votre Dieu, puisque vous n'avez pas épargné votre fils bien-aimé pour l'amour de moi. » Genèse 22, 10 à 17. Je connais maintenant, dit Dieu, c'est-à-dire j'ai fait connaître, car Dieu ne l'avait pas ignoré. Lorsqu'ensuite Abraham eut immolé le bélier au lieu de son fils Isaac, l'Écriture dit, il appela ce lieu le Seigneur a vu, et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le Seigneur est apparu sur la montagne. De même que Dieu dit, je connais maintenant, pour dire, j'ai fait maintenant connaître. Ainsi Abraham dit, le Seigneur a vu, pour dire, le Seigneur est apparu ou s'est fait voir. Et l'ange appela du ciel Abraham pour la seconde fois, et lui dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, et pour prix de ce que vous venez de faire, n'ayant point épargné votre fils bien-aimé pour l'amour de moi, je vous comblerai de bénédictions, et je vous donnerai une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Vos enfants se rendront maîtres des villes de leurs ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en votre postérité, parce que vous avez obéi à ma voix. Genèse 22, 16. C'est ainsi que Dieu confirma par serment la promesse de la vocation des gentils, après qu'Abraham lui eut offert en holocauste ce bélier, qui était la figure de Jésus-Christ. Dieu le lui avait souvent promis, mais il n'en avait jamais fait serment, et qu'est-ce que le serment du vrai Dieu, du Dieu qui est la vérité même, sinon une confirmation de sa promesse et un reproche qu'il adresse aux incrédules? Après cela, Sarah mourut âgée de 127 ans, Genèse 23, 1. Lorsqu'Abraham en avait 137, il était en effet plus vieux qu'elle de 10 ans, comme il le déclara lui-même, quand Dieu lui promit qu'elle lui donnerait un fils, j'aurai donc, dit-il, un fils à 100 ans, et Sarah accouchera à 90. Abraham acheta un champ où il ensevelit sa femme. Ce fut alors, ainsi que le rapporte Saint-Étienne, acte 7, 4, qu'il fut établi dans cette contrée, parce qu'il commença à y posséder un héritage, ce qui arriva après la mort de son père, qui eut lieu environ 2 ans auparavant. Chapitre 33. Isaac épouse Rebecca, petite-fille de Nakhor. Ensuite Isaac, âgé de 40 ans, à l'époque où son père en avait 140, 3 ans après la mort de sa mère, épousa Rebecca, petite-fille de son oncle Nakhor. Genèse 24. Or, quand Abraham envoya son serviteur en Mésopotamie, il lui dit, « Mettez votre main sur ma cuisse, et me faites serment par le Seigneur et le Dieu du ciel et de la terre que vous ne choisirez pour femme à mon fils aucune des filles des Cananéens. » Genèse 24, 3. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que le Seigneur et le Dieu du ciel et de la terre devaient se revêtir d'une chair tirée des flancs de ce patriarche? Sont-ce là de faibles marques de la vérité que nous voyons maintenant accomplie en Jésus-Christ? Chapitre 34. Ce qu'il faut entendre par le mariage d'Abraham avec Sétura, après la mort de Sarah. Que signifie le mariage d'Abraham avec Sétura? Genèse 24, 1. Note. Au témoignage de Saint Jérôme, la tradition hébraïque identifia Sétura avec Agar. Fin de la note. Nous sommes loin de penser qu'ainsi saint homme, les contracté par incontinence, surtout dans un âge si avancé. Avait-il encore besoin d'enfants, lui qui croyait fermement que Dieu lui en donnerait 10 Isaac autant qu'il y a d'étoiles au ciel et de sable sur le rivage de la mer? Mais si Agar et Ismaël, selon la doctrine de l'apôtre, Galates 4, 24, sont la figure des hommes, charnels de l'Ancien Testament, pourquoi Sétura et ses enfants ne seraient-ils pas de même la figure des hommes, charnels qui pensent appartenir au nouveau? Toutes deux sont appelées femmes et concubines d'Abraham, au lieu que Sarah n'est jamais appelée que sa femme. Quand Agar fut donnée à Abraham, l'Écriture dit, Sarah, femme d'Abraham, prit sa servante Agar 10 ans après qu'Abraham fut entré dans la terre de Canaan, et la donna pour femme à son mari. Genèse 6:3. Quant à Sétura, qu'il épousa après la mort de Sarah, Voici comment l'Écriture en parle. Abraham épousa une autre femme nommée Sétura. Genèse 15, 1. Vous voyez que l'Écriture les appelle toutes deux femmes, mais ensuite elle les nomme tous deux concubines. Abraham, dit-elle, donna tout son bien à son fils Isaac, et quant aux enfants de ses concubines, il leur fit quelques présents, et les éloigna de son vivant de son fils Isaac, en les envoyant vers les contrées d'Orient. Genèse 15, 5. Les enfants des concubines, c'est-à-dire les juifs et les hérétiques, reçoivent donc quelques présents, mais ne partagent point le royaume promis, parce qu'il n'y a point d'autre héritier qu'Isaac, et que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont fils de Dieu, mais les enfants de la promesse. Romains 20, 8. Dieu dont se compose cette postérité de qui il a été dit, votre postérité sortira d'Isaac. Genèse 30, 12. Je ne vois pas pourquoi l'Écriture appellerait Sétura concubine, s'il n'y avait quelque mystère là-dessous. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas justement reprocher ce mariage à ce patriarche. Que savons-nous si Dieu ne l'a point permis ainsi afin de confondre, par l'exemple d'un si saint homme, l'erreur de certaines hérétiques qui condamnent les secondes noces comme mauvaises? Abraham mourut à l'âge de 175 ans, son fils en avait 75, étant venu au monde la centième année de la vie de son père. Note. Ces hérétiques sont les cataphryges ou cataphrygiens, branche de la grande secte des gnostiques. Voyez saint Augustin, des hérésies, 26. Les cataphrygiens, montant, en qualité de paraclet, et ses deux prophétesses, Priscilla et Maximilla, établirent cette secte d'hérétiques. Comme ils étaient nés dans la province de Phrygie, et qu'ils y avaient vécu, ils en donnèrent le nom à leurs adeptes. Aujourd'hui encore les habitants de ce pays suivent leurs erreurs. Selon eux, le Saint-Esprit, promis par le Sauveur, était sans doute descendu sur les apôtres, mais ils en avaient eux-mêmes reçu une plus riche effusion. Les secondes noces étaient pour eux de vrais adultères. Saint Paul les avait autorisées, parce que, de son temps, on n'était point encore parvenu à la perfection, ils ne connaissaient donc la loi qu'à demi et ne prophétisaient qu'à demi. 1 Corinthiens 13, 9, 10. Ils poussent le délire au point d'affirmer que le règne de la perfection a commencé avec Montan et ses prophétesses. À ce qu'on dit, les cataphrygiens s'adonnent à de mystérieuses et abominables cérémonies. Avec une lancette, ils pratiquent une foule de piqûres sur le corps d'un enfant d'un an, le sang qui en sort, ils le mélangent avec de la farine, en font du pain, et se prépare ainsi une sorte d'eucharistie. Si l'enfant meurt de ses blessures, on le regarde comme un martyr. S'il y survit, comme un grand prêtre. Mark M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.